Un secret longtemps caché est à l'origine du talent de deux artistes. Un flash psychique sans précédent bouleverse de manière catastrophique des dizaines d'existences, dont celle de Danny. Un veuf éploré se rend en Floride pour se reposer et reçoit à la place un héritage inattendu, accompagné d'importantes obligations. Un vétéran du Vietnam répond à une offre d'emploi et découvre qu'il existe dans l'univers des coins qu'il ne vaut mieux pas explorer. Voici quelques-unes des histoires qui nous attendent dans « Plus noir que noir », formidable recueil de 12 nouvelles de Stephen King qui nous plonge dans les tréfonds les plus sombres de la vie, au sens métaphorique comme au sens propre. Le talent de Stephen King, maître de la nouvelle, demeure sans égal. Chacune de ses histoires recèle son lot de frissons, de joie et de mystère. Chacune dégage un parfum iconique. Vous voulez du plus noir encore ? Tant mieux, moi aussi. Ce qui fait de moi votre frère de sang, signé Stephen King. Plus noir que noir de Stephen King est paru chez Albin Michel.